إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est aujourd'hui dans le cours numéro 50 dans l'explication du Cheikh Zayd al-Madkhali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. L'endroit où on est arrivé, donc on est toujours dans al-asl al-thalith ma'rifatu nabi l'islam bil-adilla, c'est-à-dire le troisième fondement de l'islam, c'est-à-dire de connaître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec les preuves. Et parmi les points dont on parle dans ce fondement-là ou dans ce chapitre, c'est yani on a parlé au dernier cours, on va revenir sur qu'est-ce qu'on a dit, mais on parle dans ce chapitre yani de plusieurs éléments qui ont rapport aussi avec la foi en les messagers. Donc le cheikh il dit, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit wa arsala Allahu jami' ar-rusul mubashirin wa munzirin والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Donc ça c'est le verset en question. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé tous les messagers comme annonciateurs d'une bonne nouvelle et avertisseurs, comme annonciateurs et avertisseurs. Et la preuve de ça, c'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran lorsqu'il dit des messagers qui sont envoyés comme annonciateurs et comme avertisseurs pour ne pas qu'il y ait de preuves contre Allah, pour qu'il n'y ait plus de preuves pour les gens vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala après qu'il ait envoyé les messagers. Donc une fois que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers, plus personne n'a d'argument contre Allah, plus personne n'a d'excuse contre Allah subhanahu wa ta'ala de dire oh, mais j'ai pas cru parce que j'ai pas reçu de message. J'ai pas reçu le message. Personne ne m'avait averti. Personne ne m'avait dit. Une fois que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers, on n'a plus d'excuses devant Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Donc le Cheikh, Cheikh Zayd, il explique, il dit Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Mada ma'ana fi d-dars al-madi bayana anna din Allah باق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما بقيت الدنيا. On a vu dans le cours précédent que on a expliqué que la religion d'Allah elle va demeurer, elle va demeurer même après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم, elle continue à rester jusqu'à ce que la fin des temps arrive, jusqu'à la fin de la dunya. وأنه ما من خير إلا دل الأمة عليه. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bien excepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a indiqué. وَلَا شَرٌ إِلَّا حَذَّرَهَا مِنْهُ. Il n'y a pas un mal excepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a averti. وَأَسَاسُ الْخَيْرِ تَوْحِيدُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. La base du bien, c'est l'unicité d'Allah, la foi, le tawhid. وَأَصْلُ الشَّرْ عبادة غير الله أو عبادة غيره معه وهو الشرك بالله. Donc le cheikh il dit, et la base du mal c'est d'adorer autre que Allah ou d'adorer autre avec Allah. Et ça, c'est le shirk que quelqu'un fait lorsqu'il adore d'autre qu'Allah, il associe avec Allah dans l'adoration. De même que le shirk, il dit ensuite, wa kullu ma'siyatin usiya Allah biha fahiya shar. Wa kullu ta'atin turikat biduni 'udhrin fatarkuha sharrun kadhalik. Donc le cheikh il dit, toute désobéissance par laquelle on désobéit à Allah, ça fait partie de ce qui est mauvais aussi, et également toute adoration qui est abandonnée sans excuse valable, alors ça aussi, le fait de l'abandonner, ça fait partie de ce qui est mal, de ce qui est mauvais aussi. Il dit, وَكَمَا مَضَى مَعَنَا الْأَدِلَّةُ الْقَائِمَةُ عَلَى عُمُومِ وَشُمُولِ بِعْثَةِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِعَالِمِ الْإِنْسِ وَعَالِمِ الْجِنِّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. De même qu'on a mentionné les preuves qui ont été établies pour prouver que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est un message général qui est envoyé pour tout le monde entier, et le monde des hommes et le monde des djinns. Donc c'est un message qui est général et qui est global, qui englobe toute la création, toutes les créatures. As-saqalan, comme on dit en arabe, c'est-à-dire les deux mondes, le monde des hommes et le monde des djinns. Et la preuve de ça, c'est dans le verset, dans Surat Al-A'raf, le verset 158, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous les hommes, je suis pour vous le messager, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Wa bi risalati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam khutimat ar-risalat kama mada ma'ana al-adilla ala thubut mawt an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa anna an-nasa yamutun thumma yub'athun wa yujzawna ala a'malihim khayriha wa sharriha. Donc le cheikh explique que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu sceller et terminer les messages de tous les prophètes qui sont venus auparavant. Et on a déjà expliqué précédemment et mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a donné les preuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mourir et que les hommes vont mourir aussi. C'est-à-dire, personne ne peut s'échapper de la mort. Kullu nafsin za'iqatul maut. Il n'y a pas une âme qui pourra se préserver de la mort. Toutes les âmes vont mourir. Et juste en passant, juste pour rappeler un point important par rapport à ça, le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier messager et qu'il n'y en a pas d'autre après lui, ça prouve que toute personne qui croit qu'il y a un messager après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il est kafir, il n'est pas musulman. Et donc on peut inclure dans ça, par exemple, la secte qu'on appelle Al-Qadianiyya ou Al-Ahmadiyya. C'est une secte qui est apparue en Inde à l'époque de la colonisation anglaise. Et Ghulam Ahmad Al-Qadiani, on l'appelle Al-Qadiani, mais on appelle la secte Al-Qadianiyya parce qu'il vient de la ville de Qadian. C'est une ville en Inde qui s'appelle Qadian. Et il s'est déclaré d'être le Mahdi, puis après il s'est déclaré messager et prophète, et puis après il renie la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a renié également plusieurs aspects qui font partie de l'islam comme le djihad fi sabilillah et d'autres éléments de ce genre. Et donc maintenant il s'installe dans les pays de Kufr et il se plaigne au kuffar du mauvais comportement ou du mauvais traitement qu'ils reçoivent dans les pays musulmans, parce que ce sont des ennemis de la religion, ce sont des gens qui opposent la foi en l'islam, qui sont déclarés par tous les savants de l'islam qui sont sur terre aujourd'hui comme étant des mécréants, ils ne sont pas considérés comme étant des musulmans. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se réfugient chez les chrétiens et chez les juifs et chez les koufars en général, puis ils vont là-bas, puis ils propagent leurs croyances dans ces pays-là. Comme par exemple ici au Canada, comme je disais au dernier cours, c'est ici qu'ils ont la plus grande mosquée au Canada. La plus grande mosquée au Canada, c'est à Edmonton ou en Alberta ou quelque chose comme ça, et c'est ici qu'ils ont la plus grande mosquée, Allah Musta'an. alors qu'ils ne sont même pas musulmans, ils se prétendent musulmans. Et dernièrement, ils ont ouvert une nouvelle mosquée à Montréal, et c'est sur Saint-Michel, tu vois, entre Saint-Michel et Sauvé, pas loin de Industriel. Donc, dans cet endroit-là, donc, ils commencent à propager, ça veut dire qu'ils ont l'intention de faire une da'wa dans cette région-là, et de propager leurs croyances dans cet endroit-là. Comme je te dis, ils croient que Ghulam Ahmed, c'est un prophète. Ghulam Ahmed, naam, Al-Qadiani. Non, il est mort. Il est mort, ça fait je ne sais pas combien d'années, mais si tu veux savoir exactement la date de naissance de cet individu, oui, les koufars, ils les supportent, yani. Oui, Mizra Ghulam Ahmed. Il a l'air d'un soulard, en fait. Oui. C'est un grand égaré, un dangereux. Bon, eux, ils le considèrent comme un messie, comme un mahdi. Puis à la fin, ils l'ont déclaré comme étant prophète. Ils croient pas que Isa alayhi salam va revenir. Ils ont beaucoup d'hérésies et d'égarements. Oui, c'est ça. Il donne la date ici de sa naissance, 1835, le 13 février 1835. Donc, si vous faites la recherche de son sujet sur Internet, vous trouvez son nom, c'est Mizra Ghulam Ahmed, et ils mettent même sa photo. Ouais, la secte des Ahmadiyya, ou bien on les appelle aussi Qadianiyya. Ouais, les Qadianiyya et les Ahmadiyya, c'est la même secte, c'est deux noms. Mais il y a aussi une tariqa soufia qui s'appelle Ahmadiyya, c'est pas la même chose que eux. Naam. Il y a aussi ceux qui s'appellent qui s'appellent eux-mêmes the Nation of Islam, les Black Muslims, ok. Et c'est-à-dire ceux qui suivent aujourd'hui celui qu'on appelle Louis Farrakhan. Et eux, leur croyance, c'est qu'il y a un individu qui est venu dans les années 30 aux États-Unis, dans la région de Détroit, et qu'ils prétendent que c'était Dieu en personne. Ils l'appellent Fard Muhammad. Donc ils disent que c'est Allah qui est venu sur terre en être humain. Puis que cet homme a enseigné à quelqu'un sa religion. Ils disent que cet homme, c'était Elijah Muhammad, et ils prétendent que c'était le prophète d'Allah, et qu'il est venu pour les Noirs américains, qu'il est venu pour enseigner l'islam aux Noirs américains. Et donc ça, c'est des croyances de kufr, yani, déjà par rapport à la foi en Allah, du fait qu'il croit que Allah est devenu un homme, et ça c'est kufr en soi. Et de dire qu'il y a un autre prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un autre kufr également, parce que tu prétends qu'il y a un autre prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou un messager après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors ça c'est shirk, et ça c'est kufr aussi. Et donc ça c'est des exemples d'égarement de la part de ceux-là. Puis il y a d'autres parmi les gens aussi qui se disent musulmans qui ont des croyances semblables. C'est-à-dire que il y en a parmi les soufis, par exemple. Ils vont pas dire il y a un prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf qu'ils vont dire que leur cheikh reçoit des révélations. Soit ils vont dire que leur cheikh, il y a des anges qui descendent du ciel pour leur parler, pour leur informer ou leur apprendre des nouvelles choses sur la religion. Hein? Donc ça, c'est une sorte de révélation. Hein? C'est une sorte de wahi, si tu dis ça. Il y en a d'autres qui prétendent que ils ont des apparitions, que le prophète vient les visiter dans le sommeil, leur donner des nouvelles paroles, des nouveaux enseignements, ou bien en état d'éveil. Il vient par exemple et il dit, moi j'ai vu le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu me parler en état d'éveil. Comme Ahmed Tijan par exemple, de la tariqa Tijaniya, ça c'est ce qu'ils prétendent. Ou bien il y en a d'autres même qui vont dire que Allah leur parle directement. ils n'ont pas d'intermédiaire entre eux et Allah. Ils disent, moi je reçois la parole de Dieu direct. Je n'ai pas besoin de passer par le Coran ou par les hadiths. Moi j'ai directement la parole de Dieu, il me parle direct. Donc tout ça c'est des exemples, yani, de choses qui ressemblent à le fait de se prétendre même prophète. Et au lieu de se dire prophète, ils se donnent un autre titre qu'ils ont ramené, c'est le fait de se prétendre wali. Ils disent pas qu'ils sont des prophètes, mais ils disent qu'ils sont des awliya, c'est-à-dire des gens pieux, des hommes pieux, des saints. Mais ils ont défini le terme yani wali par des significations et des définitions qui n'ont aucun rapport avec l'islam et qui ne sont supportées par aucune preuve du Coran et de la Sunna. Par exemple, pour eux, le wali, le saint, c'est quelqu'un qui fait des miracles à volonté. C'est-à-dire que c'est lui qui décide s'il veut faire un miracle ou une karama, comme ils appellent. Et ils vont par exemple dire que le wali, il faut qu'il ait le pouvoir, par exemple, de faire tomber la pluie ou de contrôler le monde. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux l'appeler, il va venir t'aider. Il y en a plein de trucs comme ça, il y en a qu'ils ont inventé. Et quand il meurt, le wali, ben ils vont à sa tombe et puis ils vont lui demander sa bénédiction, ils vont lui demander la guérison, des choses de ce genre. Donc tout ça c'est des exemples de qu'est-ce que tu retrouves chez les soufiyins, chez les mutasawwifa. Donc eux ils prétendent qu'il n'y a pas de prophète, ils disent il n'y a pas de prophète, mais en réalité quand ils prétendent la wilaya, ils disent même que la wilaya c'est mieux même que la prophétie. Yani al wilaya indahum فوق النبوة. Yani c'est plus haut que le degré de prophète. D'être un wali pour eux c'est mieux que d'être un prophète. Allah al-musta'an. Et c'est ce qu'ils disent à propos de plusieurs d'entre leurs shuyukh, yani. Donc ils prétendent qu'ils sont meilleurs que les prophètes d'Allah. Peut-être que c'est venu des juifs ou des chrétiens ou des bouddhistes. Les soufis, ils ont des influences de différentes religions, de différentes croyances. Même, ils s'inspirent beaucoup de la philosophie. Tu vois? La philosophie des Grecs, la philosophie des bouddhistes, des hindous, des chrétiens, qu'est-ce qu'on appelle le mysticisme. Le mysticisme, ça existe pas seulement chez les soufis qui se disent musulmans, mais ça existe également chez les juifs. Il y a le mysticisme juif, il y a le mysticisme chrétien, et il y en a chez les Grecs aussi, puis toutes sortes de ça c'est pas spécifique à ceux qui se disent musulmans parmi les soufis. Mais ça n'a rien à voir avec la religion. À la base, peut-être qu'au début, quand c'est apparu, le tasawwuf, quand c'est apparu, ça se limitait à, c'est-à-dire des gens qui voulaient, disons, s'adonner à l'adoration, se concentrer plus sur ça, se concentrer plus sur le rappel d'Allah, le détachement vis-à-vis de la vie d'ici-bas et des plaisirs de la vie d'ici-bas, s'attacher plus à l'importance du rappel d'Allah et de l'au-delà. Sauf que à force de devenir exagéré dans cet aspect-là, puis de négliger la quête de la science, eh bien, ils ont commencé à rajouter des innovations, comme rajouter des tambours dans le dhikr, de rajouter des croyances externes ou étrangères à l'islam, en commençant à rentrer dans la philosophie, à interpréter l'islam selon les paroles des philosophes et avec des notions de qu'est-ce qu'on appelle al-batiniya, c'est-à-dire les croyances ésotériques de différentes religions ou sectes, de dire que eux ils ont compris la réalité de la religion, tandis que le commun des musulmans ils connaissent que la charia. La charia c'est pour le commun des musulmans. Mais si tu as atteint un certain degré dans la piété ou dans la religion, eh bien là tu découvres qu'est-ce qu'on appelle al-haqiqa, c'est-à-dire la réalité qui est au-delà de la charia. Et quand tu découvres cet aspect-là, ben ça y est, tu es plus régi par les mêmes règles que le reste des musulmans, tu vois. Tu n'es pas obligé de faire tout ce qui est obligatoire, puis tu n'es pas obligé de t'abstenir de ce qui est haram. Hein? Même s'il y a des soufis qui condamnent ça, mais n'empêche que dans les écrits des soufis et de plusieurs turcs soufis, écrits par les grands chouïrs de ces turcs, il y a des écrits et des paroles qui prouvent que pour eux, ça c'est considéré comme vrai. Avec des trucs scientifiques là, des théories scientifiques. En fait, les ulama ils ont dit que c'est pas permis, comme j'ai lu plusieurs paroles de par exemple Cheikh Saleh Al-Fawzan et d'autres. Ils ont expliqué qu'on n'a pas le droit d'interpréter le Coran en se basant sur des théories scientifiques des kuffars ou de d'autres personnes, peu importe qui l'a ramené cette théorie. Premièrement, c'est pas important pour nous. On n'a pas besoin de ça pour croire au Coran. Et deuxièmement, les théories, elles peuvent changer. Tu vois? Donc, peut-être qu'à un moment donné, la théorie qui est acceptée, c'est telle ou telle théorie. Puis dans 10 ans ou 20 ans, cette théorie-là est remise en question. Et là, on commence à, par exemple, mettre des doutes sur la théorie, puis on ramène un nouveau modèle qui contredit le premier. Donc ça devient une nouvelle théorie maintenant. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on interprète le Coran. À chaque fois qu'on change de théorie, il faut changer l'interprétation. Donc ça devient comme un genre de jeu, yani, avec la religion. Puis ça c'est pas pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Dans le Coran, Allah il a révélé le Coran. Il dit dans le Coran que c'est une lumière et une guidance et une guérison pour ce qu'il y a dans les cœurs. Hein? C'est pas un livre de mathématiques ou de physique ou de chimie, hein? Ou de biologie ou des choses comme ça. Il y a des signes pour ceux qui cherchent la vérité. Il y a des preuves. Hein, dans le Coran, sauf que c'est pas par rapport aux théories des kuffars, les théories modernes ou récentes qu'on doit se baser pour considérer ces choses-là. Non. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il explique que il dit wabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam khutimat al-risalat. On a expliqué donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est le dernier des prophètes. Qu'on a prouvé qu'il allait mourir et qu'il est mort, comme tout le monde va mourir, la même chose. Puis que par la suite, il a été ressuscité, ou bien il va être, à la fin des temps, il va être ressuscité, comme on va tous être ressuscités. ثم يبعثون ويجزون على أعمالهم خيرها وشرها. Donc, on va tous être ressuscités à la fin des temps, puis on va être rétribués. Et récompensé selon nos œuvres. Si on a fait du bien, on aura du bien. Si on a fait du mal, on aura du mal. وموضوع هذا الدرس هو إثبات رسالة المرسلين حيث قال المؤلف رحمه الله وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والرسل جميع جمع رسول والرسل جمع رسول والرسول رجل حر مكلف من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. Donc le cheikh il explique que le sujet de cette partie dans le livre c'est l'affirmation du message des envoyés et des messagers. Et il dit l'auteur le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit que Allah a envoyé tous les messagers comme des annonciateurs de bonnes nouvelles et des avertisseurs d'un châtiment. Et les messagers, c'est le terme en arabe pour dire messager, c'est rasoul. Et c'est le pluriel du mot rasoul. Rasoul, c'est le pluriel du mot rasoul. Et le mot rasoul, c'est le cheikh, il définit le messager comme étant un homme. Premièrement, c'est un homme. Ça veut dire, il n'y a pas de messager femme. C'est toujours un homme. Deuxièmement, hurrun, c'est-à-dire il n'est pas esclave, c'est un homme libre. Mukallaf, c'est-à-dire il devient messager lorsqu'il a atteint l'âge de maturité et qu'il a également toute sa raison. Hein. Et il dit ensuite, min bani Adam. Donc les messagers, c'est uniquement des fils d'Adam. Donc il n'y a pas des djinns messagers. D'accord? C'est toujours des êtres humains. À qui Allah a révélé une législation. À qui Allah a révélé une législation. Et à qui il a ordonné de le transmettre. Il a ordonné à ce messager de le transmettre. Et il dit, le cheikh, وَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit que le premier entre les messagers d'Allah, c'est Nuh alayhi salam. C'est-à-dire, le prophète Noé, hein, le messager, c'est le premier messager. Cheikh Zayd, il explique, il dit, وَأَوَّلُ الرَّسُلُ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس من لدن آدم إلى نوح عشرة قرون على الحنيفية السمحة على التوحيد حتى نشأ الشرك في قوم نوح فأرسل الله إليهم نوحا. Cette parole est rapportée dans Al-Bukhari, hein, par Al-Bukhari dans Al-Bukhari et Al-Tabari également, et elle est citée par l'imam Ibn al-Qayyim dans Irathatul Lahfan et dans Majmu' al-Fatawa, Ibn Taymiyyah la cite également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier des messagers, c'est Nuh alayhi salam, et ça a été rapporté de façon authentique de la part de Abdullah ibn Abbas, hein, le cousin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui était, comme on dit, tourjuman al-Qur'an, celui qui était l'interpréteur du Qur'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait un dua pour lui, un dua spécial. Et donc Abdullah ibn Abbas a dit que yani, les hommes étaient, depuis Adam alayhi salam jusqu'à Nuh, pendant 10 générations sur le tawhid et la religion. Qu'on appelle Al-Hanifiyya. Al-Hanifiyya, c'est-à-dire le fait de se tourner vers Allah seul et de se détourner complètement des idoles. C'est ça qu'on appelle Al-Hanifiyya. Et donc, pendant 10 générations, ils étaient sur le Tawhid et la religion qu'on appelle Al-Hanifiyya, qui est la religion des prophètes. Puis ensuite, le shirk est apparu dans le peuple de Noé. Donc le shirk est apparu à l'époque de Noé, dans son peuple. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé Nuh, hein, pour les avertir contre ce shirk. فَأَوَّلُ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِيُنْذِرَ قَوْمَهُ خَطَرَ الشِّرْكِ وَيُبَيِّنَ لَهُمْ مَعَالِمَ التَّوْحِيدِ ومكث في قومه مدة طويلة وهو يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى رغم ما واجه من الصعوبات والعقوبات ومن الإعراض عن دعوته الكريمة الرحيمة مع ذلك فكان يدعو إلى الله كما وصف الله دعوته في آيات بينات. Donc le cheikh il dit que le premier que Allah a envoyé c'est Nuh. C'est Nuh alayhi salam. Et il l'a envoyé pour avertir son peuple du danger du shirk. Et le danger d'adorer d'autres que Allah. Et pour leur clarifier les enseignements du tawhid. Et il est resté parmi son peuple une très longue durée de temps. Il y a 950 ans. Pendant 950 ans, il les a avertis contre le shirk et il les a appelés à adorer Allah seul. Donc il est resté très longtemps avec eux. Et yani, il a été patient dans son appel à Allah, dans le fait d'inviter les hommes à l'unicité d'Allah. Il a enduré beaucoup de difficultés et il a subi beaucoup de mal yani, de la part de son peuple. Et son peuple s'est totalement détourné de son appel, hein, de sa noble et miséricordieuse appel. Alors qu'il les appelait à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a décrit l'appel ou la da'wa de Nuh alayhi salam. Donc il a décrit sa da'wa dans Surat Nuh. le cheikh il cite du verset 1 à 9. Donc on va lire la traduction de ces versets. Bon, on va lire le verset en arabe puis après on va lire la traduction. ومنها قول الله عز وجل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Donc le cheikh il mentionne ces versets, il mentionne ces versets du Coran qui signifie: nous avons envoyé Noé vers son peuple, averti ton peuple avant que leur vienne un châtiment douloureux. Il leur dit: ô mon peuple, je suis vraiment pour vous un avertisseur clair. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi, pour qu'il vous pardonne vos péchés et qu'il vous donne un délai jusqu'à un terme fixé. Mais quand vient le terme fixé par Allah, il ne saurait être différé ou retardé si vous saviez. Il dit: Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles. Ils se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Ensuite, je les ai appelés ouvertement. Puis, je leur ai fait des proclamations publiques et des confidences en secret. Donc, c'est pour dire qu'il a tout essayé avec eux. Il a tout essayé avec eux pour les ramener à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit: إلى آخر السورة التي ختمت بما أمره الله تبارك وتعالى به من الدعوة أو على أولئك القوم من الدعوة على أولئك القوم الذين لم يزدادوا إلا طغيانا وإعراضا عن دعوة نوح عليه السلام وإيذاء لشخصه الكريم فدعا عليهم. Donc le cheikh il dit jusqu'à la fin de la sourate, donc si vous voulez avoir les détails de la suite de qu'est-ce qui a été mentionné dans la sourate à propos de la da'wa de Nuh alayhi salam, vous pouvez retourner à la sourate et la lire pour savoir le reste de la sourate, qu'est-ce qui est expliqué. Puis le cheikh il dit jusqu'à la fin de cette sourate où Nuh alayhi salam, yani après les avoir appelés, il a vu qu'ils n'ont fait qu'augmenter en transgression et en détournement, c'est-à-dire ils se sont détournés, ils se sont écartés de lui et de sa da'wa, et ils lui ont fait même du tort à sa personne. Donc le prophète Nuh alayhi salam, à ce moment-là, il a invoqué contre eux. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala contre eux, et Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne. Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset 26 et 27 dans sourate Nuh. Il dit: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Donc le cheikh il mentionne le verset dans lequel, ou les deux versets dans lesquels Nuh alayhi salam fait le doua contre son peuple. Et Noé dit: Seigneur, ne laisse sur la terre aucun mécréant. Si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des pécheurs infidèles. C'est-à-dire des pécheurs mécréants. Donc, ça c'est le doua que Nuh alayhi salam a fait contre son peuple. Le cheikh il dit: وكان الحامل له على ذلك أن الله عز وجل قد قال له أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ف فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ثم خوفه على العصب على العصبة التي على العصبة المؤمنة القليلة التي آمنت بدعوته الذين قال الله عز وجل عنهم وما آمن معه إلا قليل. Donc le cheikh il explique que qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce doua contre son peuple, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans sourate Hud, le verset le verset 36 dans sourate Hud. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset? Il dit, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala annonçait à Nuh que parmi son peuple, ceux qui ont cru, ça y est, il n'y en aura pas d'autres qui vont croire en plus. Ceux qui ont cru, c'est ceux-là qui vont croire seulement, il n'y en aura pas d'autres croyants. Hein? Et il fut révélé à Noé, de ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige donc pas de ce qu'il faisait. Hein? Ne t'afflige pas de ce qu'il faisait. Donc, c'était pour dire, ça y est, ceux qui ont cru, c'est ceux-là qui vont croire, il n'y en aura pas d'autres qui vont accepter par la suite. Et donc, également, une autre raison pourquoi Nuh alayhi salam il a fait la dua contre son peuple, c'est parce qu'il craignait aussi pour le petit groupe de croyants qui avaient cru en Allah, qu'il soit égaré par la grande majorité de ceux qui avaient rejeté son appel. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate Hud le verset 40, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ, c'est-à-dire, et il n'y a qu'un petit nombre de ceux qui étaient avec lui qui ont cru. Un petit nombre avec lui qui ont cru seulement. Donc ils n'étaient pas nombreux les croyants. Et ça c'est toujours comme ça, Yann. À travers l'histoire, parmi les êtres humains, le nombre des croyants sont toujours une minorité. Sont toujours minoritaires. Hein? Jusqu'à la fin des temps. Même si aujourd'hui on dit, ils disent les musulmans sont 1 milliard. Ils disent les musulmans sur Terre sont 1 milliard. Mais 1 milliard sur combien? Hein? On dit que là, l'humanité est comme quoi? 6, 7 milliards? 7 milliards? Donc 1 milliard sur 7, ça fait 1 sur 7. C'est pas beaucoup. Ça veut dire que pour chaque musulman, il y a 7 mouchriks. Et ça, c'est pour dire de façon générale, parce qu'on sait très bien que parmi ces 1 milliard, c'est pas tous qui sont des vrais musulmans. Il y en a qui sont juste musulmans en nom. Ils ont le nom de musulmans, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont réellement des vrais musulmans dans la croyance et dans la pratique et dans tout ce que ça implique d'être un musulman. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Exactement. Même les gens qui sont parmi les musulmans, ceux qui sont sur la sunna sont minoritaires dans la sunna. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Bada al-islamu ghariban wa sayaoudu ghariban kama bada fatouba lil-ghuraba » Et ça veut dire que l'islam, elle a débuté de façon étrange et elle va redevenir étrange comme elle a débuté. Alors annoncez la bonne nouvelle aux étrangers. Et les ulama, ils ont mentionné un hadith qui explique celui-là. Ils ont dit هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. Et il y a une autre riwaya qui dit هم الذين يصلحون إذا فسد الناس أو عند فساد الناس. Il y a deux narrations qui mentionnent ça, c'est-à-dire que al-ghuraba, ce sont ceux qui corrigent et réforment ce que les gens ont corrompu de la religion. Et une autre narration qui dit, ce sont ceux qui restent bons et qui restent droits, corrects dans la religion, alors que le reste des gens se sont corrompus. Donc c'est une minorité parmi les croyants. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite de faire partie des ghuraba. Et les ghuraba, ce sont les gens de la sunna, ceux qui s'accrochent à la voie d'Ahl al-Sunnah et wal-Jama'a, qui rejettent les... الذين يصلحون يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس. Il y a un hadith qui dit ça, qui dit أناس قليل بين أناس كثير أناس صالحون قليلون بين أناس يعني أناس يعني من يعني من السوء يعني الذين ليسوا على الصلاح ولكن هم كثيرون لا من يطيعهم من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم سوكي يعني c'est un grand nombre de un petit nombre de gens qui sont bien parmi un grand nombre de gens qui sont mauvais et ceux qui leur désobéissent sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent يعني أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية. Donc il y a différentes narrations à ce sujet-là qui clarifient la signification des ghuraba. Ghuraba, c'est les gens de la sunna, c'est eux. Et leur ghurba, la ghurba des gens de la sunna, elle est la plus grande forme de ghurba. Parce que déjà, on a expliqué que le musulman, parmi les non-musulmans, sont des ghuraba. Puisqu'il y a 7 mushriks pour un musulman. Oui, ghuraba c'est pluriel, gharib c'est singulier, gharib, ghuraba. Et donc, la première ghurba c'est la ghurba de l'islam. Après, à l'intérieur des gens de l'islam, il y a, disons, ceux qui pratiquent, puis ceux qui ne pratiquent pas, ou qui font des péchés. Puis à l'intérieur de ceux qui pratiquent, il y a les gens de la sunna, par rapport aux gens de la bid'ah. Donc tout ça c'est une ghurba à l'intérieur de la ghurba à l'intérieur de la ghurba. Donc la ghurba elle est différents niveaux, tu vois. Ben c'est ça, si on regarde tous ceux qui se disent musulmans ou qui s'appellent des musulmans, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous réellement parmi les musulmans. C'est ça. Effectivement. Sur quoi ils se basent pour dire 1 milliard de musulmans? Ça se base sur quoi? C'est le recensement, il est fait comment? Est-ce que c'est basé juste sur celui qui dit ma religion c'est l'islam? Si c'est le cas, donc ça veut dire ça inclut même des gens qui sont parmi des groupes ou des tendances qui sont même contraires à l'islam, comme on a dit Al-Qadianiyya, ou bien des groupes de Shia Rafida ou autres, hein? Donc, dans ce cas-là, on ne doit pas tenir compte nécessairement de ce compte-là, ou de ce recensement-là. Donc, après, le cheikh, il dit, Aynam, il dit, wa, c'est ça. وبين فيها شيئين مهمين الشيء الأول تحديد وظيفة الرسل والأنبياء وأنها محصورة في البشارة والنظارة وأما البشارة فهي لأتباعهم الذين استجابوا لدعوتهم وإنه جي سوتي لا جي سوتي un passage bon. C'est ça. Le cheikh il dit وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدْ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ. Donc le dernier des prophètes et des messagers c'est Muhammad صلى الله عليه وسلم وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. C'est le dernier des messagers, comme on a dit tout à l'heure. Le cheikh Zayd il dit وَآخِرُ الرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى مَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَاءُ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وبين أولهم وآخرهم رسل كرام وأنبياء عظام ودعاة من أمة محمد من أمة الإسلام يدعون بدعوة الرسل والأنبياء لئلا يكون للناس حجة بعد قيام الحجة عليهم. Donc le cheikh dit le dernier des prophètes et des messagers c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve c'est dans le verset 40 dans sourate Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala dit Muhammad n'était le père d'aucun d'entre vos hommes. mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes, c'est-à-dire celui qui est venu sceller la prophétie. Et Allah est certes omniscient, hein, c'est-à-dire il a la connaissance de toutes choses. Donc, le cheikh il explique qu'entre le premier des prophètes, qui est Nuh, et le dernier des prophètes, ou le dernier des messagers, le premier des messagers et le dernier des messagers, le premier qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le dernier des messagers qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a entre les deux de nobles messagers et de grands prophètes qui ont appelé, il y en a qui font partie des gens qui ont appelé à l'islam parmi la umma de l'islam et qui appellent par l'appel des messagers et des prophètes pour qu'il n'y ait plus d'arguments pour les hommes après que la preuve ait été établie contre eux. وبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié dans ce verset des messagers qui sont des annonciateurs et des avertisseurs pour qu'il n'y ait plus d'arguments contre Allah après qu'il ait envoyé les messagers. وبين فيها شيئين مهمين الشيء الأول تحديد وظيفة الرسل والأنبياء وأنها محصورة في البشارة والنذارة وأما البشارة فهي لأتباعهم الذين استجابوا لدعوتهم وآمنوا برسالاتهم وأما النذارة فهي لأعداء الله وأعداء رسله وأعداء عباده المؤمنين ممن أعرض عن رسالات الرسل ودعوة الأنبياء ونصيحة الناصحين. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 165 dans sourate An-Nisa qu'on a lu tout à l'heure, dans lequel Allah dit que il y a les messagers qui sont venus comme annonciateurs d'une bonne nouvelle et avertisseurs d'un châtiment, et qu'ils viennent pour établir la preuve contre les hommes, pour qu'il n'y ait plus d'argument contre Allah. Donc ce verset explique deux choses. La première chose, elle vient nous expliquer et nous clarifier quel est le rôle et la tâche des prophètes et des messagers. Et que cette tâche, elle se limite à annoncer la bonne nouvelle et à avertir contre le châtiment. En ce qui concerne l'annonce d'une bonne nouvelle, la bonne nouvelle, elle est pour ceux qui ont accepté l'invitation et l'appel des messagers et leur invitation à la foi. Donc eux, ils ont cru au message des messagers. En ce qui concerne l'avertissement, eh bien, c'est l'avertissement, ça c'est envers les ennemis d'Allah, les ennemis des messagers, les ennemis de ses serviteurs, de ses croyants pieux, parmi ceux qui se sont détournés des messages des messagers et de l'appel des prophètes et du conseil qu'ils ont donné aux hommes. Amma al-shay' al-thani fal-iqama fal-iqamati al-hujjah ala man balaghathu al-hujjah wal-hujjah hiya irsal ar-rusul wa inzal al-kutub alayhim ليبينوا للناس ما أنزل الله تبارك وتعالى عليهم من كتاب وحكمة إذ إن الرسالات التي أتى بها المرسلون إذا بينت للناس ودعي الناس إليها قامت على الناس الحجة فمن استجاب لدعوة المرسلين فهو من أتباعهم حقا ومن أولياء الله ومن أعرض عن دعوة المرسلين فقد عرض نفسه لأعظم الخطر وأشد الوعيد ويصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى كما يصدق عليهم قول الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. Donc le cheikh il explique dans le point numéro 2, la deuxième chose qui est établie par le verset 165 dans Surat An-Nisa, c'est que les messagers sont venus pour établir la preuve. Et que celui à qui le message est parvenu, par le fait qu'il ait envoyé les messagers et qu'il ait fait descendre les livres, donc ça veut dire que la preuve a été établie contre lui. Parce que la preuve d'Allah et l'argument d'Allah contre l'humanité, c'est les messagers qu'il a envoyés et c'est les livres qu'il a révélés. Et ça, c'est pour clarifier aux hommes ce que Allah, c'est-à-dire les messagers, doivent clarifier aux hommes ce que Allah a révélé sur eux. Et qu'est-ce qu'il a révélé dans ces livres pour eux comme sagesse, et comme enseignement, et comme livre. Donc les messagers, et les messages que les messagers ont ramenés, ont été clarifiés pour les hommes. Et les hommes ont été appelés à ces messages-là. Et la preuve a été établie sur les hommes. Donc celui qui répond à l'appel des messagers, alors il fait partie des fidèles de ces messagers-là, en réalité, il est réellement un fidèle de ces messagers et il est un allié d'Allah, un wali d'Allah, si on veut. Wali, c'est quelqu'un qui est rapproché d'Allah, qui aime Allah, et que Allah aime. Et le wali, le pluriel, c'est awliya. Le pluriel du terme wali, c'est awliya. Ok? Donc, quand tu es un croyant, quand tu es un mu'min, que tu suis l'exemple des messagers, tu es un wali. C'est pas un wali, là, c'est pas comme chez les soufis, qu'il faut que tu sois une personne surnaturelle qui fait des miracles et ainsi de suite. Ça, c'est pas une condition pour être un wali. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, il dit, Ala inna awliya Allah, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun. C'est-à-dire que, Allah il dit, certes, les alliés d'Allah, ou les rapprochés d'Allah, ils n'auront nulle crainte, et ils n'auront pas ils ne seront pas attristés. Et Allah les définit en disant que ce sont ceux qui ont cru et qui ont eu la piété, qui ont été pieux. Donc du moment que tu es un croyant et que tu as de la piété, tu es un wali d'Allah. Bien entendu, plus tu obéis à Allah et que tu t'écartes des péchés, plus tu es un wali rapproché d'Allah et plus tu fais des désobéissances et que tu négliges les obligations, plus tu es un wali mais qui est et plus c'est moins proche d'Allah, moins proche que les autres. Donc c'est pour dire que les awliyas sont pas dans un seul degré. Au plus haut degré, il y a les prophètes. Et ensuite, il y a les sahaba, et les hommes pieux et ainsi de suite, les ulama et les hommes pieux et les martyrs et ainsi de suite. Ça, c'est les degrés des awliyas. Mais c'est pas comme les soufis qui prétendent, non, tu es un wali, et pour devenir wali, il faut que tu fasses ci et ça, et qu'il faut que tu fasses des miracles, et il faut que tu connaisses le rêve, et il faut que tu aies le contrôle de l'univers, des trucs comme ça. Et tout ça, ça c'est des superstitions, ça n'a rien à voir avec. Wallahi, il y en a qui croient à ça. Tu sais que eux qui disent ça, il y a deux catégories. Il y en a qui sont parmi eux des charlatans qui mentent aux gens. Ils savent que ce qu'ils font, c'est faux, mais ils le font pour de l'argent ou bien pour quelque chose d'autre. Parce que ces gens-là, en général, ils sont très très riches. Si tu regardes les chouyours, les grosses têtes des soufis, aujourd'hui à notre époque, ils vivent dans le luxe, dans l'argent, la richesse et l'opulence. Ils sont des milliardaires, parfois des millionnaires et des milliardaires. Et donc, ils ramassent de l'argent de partout. Les gens leur donnent de l'argent. Comme ça, ils ne travaillent pas. Ils restent comme ça. Les gens viennent et leur donnent de l'argent. Donc ça, c'est dangereux, cette voie-là. Et je ne sais pas si tu as vu, au Sénégal, il y avait un reportage justement sur ça. Il montrait un des cheikhs des mourides. Et même le frère me l'a montré. Le frère Mamadou qui me l'a montré. Et allez, subhanallah, il y a un journaliste français qui est venu, il leur a posé des questions. Alors, il lui a dit, qu'est-ce que vous faites avec l'argent qu'on vous donne? Alors lui, il a parlé, leur cheikh là, il a parlé en wolof à ceux qui étaient autour de lui. Il dit, je vais vous dire quelque chose, mais traduisez pas à ce journaliste qu'est-ce que je vais vous dire. Et là, après, il a dit, les journalistes européens, là, c'est eux qui posent toujours les questions les plus embarrassantes. Parce que c'est vrai, hein, pourquoi les gens viennent pour demander des doigts, ils lui donnent une enveloppe avec de l'argent dedans. Yanni, est-ce qu'il faut payer pour avoir un doigt? Hein? C'est ridicule, Yanni. Bien entendu. Exactement. Ils font exprès pour ça. Mais ça, ça fait penser au christianisme. C'est la même chose. Les mouchrikoun, ils adoraient des idoles en pierre ou des statues ou en bois, hein. Aujourd'hui, ils adorent des idoles en chair et en os. Faut pas penser que parce que c'est des êtres vivants, que c'est pas des idoles. C'est la même chose, c'est de l'idolâtrie. Même si toi tu adores une idole en chair et en os, c'est quand même une idole, même si c'est pas en bois ou en roche ou en pierre, c'est la même chose. Hein? Même que c'est plus grave encore. Ouais, ils lui font des initiations, ils leur font passer des initiations. Ouais, c'est ça. Donc lui, il n'était pas venu pendant un bon bout de temps, et il avait, dans son cœur, il avait dit, bon, moi, ça y est, je ne le suis plus, ce gars-là. Donc quand il est retourné le voir, il lui a dit, comment ça se fait que ça fait longtemps que tu n'étais pas venu, et si tu reviens pas, je vais t'enlever ton wird, hein, que je t'ai donné, ou des trucs comme ça. Donc, si c'était vraiment comme eux, ils prétendent que le cheikh, il sait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur du mourid, et qu'il faut craindre le cheikh, et ainsi de suite, il aurait su que cet homme-là avait abandonné ce cheikh depuis longtemps. Mais quand il lui a dit ça, c'était la preuve qu'il ne savait pas. C'est ça, exactement. Il n'y a personne qui connaît le rêve excepté Allah. Une des caractéristiques, une des descriptions d'Allah dans le Coran, c'est qu'il est alimun bidhati sudur. Innahu alimun bidhati sudur. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît le contenu des poitrines. Donc, si quelqu'un vient et te dit, moi je suis alim de bima fi sudur, il vient et te dit, moi je connais le contenu des poitrines en dehors d'Allah, ça c'est comme s'il veut compétitionner avec Allah et prendre les attributs d'Allah. Hein? Ça c'est du shirk. Hein? Il n'y a personne qui connaît le rêve excepté Allah. Et donc ça c'est des exemples comment ces gens-là sont égarés. Allah nusta'an. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc mais c'est étonnant, akhi. C'est wallahi, je sais pas. Tu sais, actuellement par exemple les gens parmi les gens de la sunna par exemple, si on demande, par exemple, parfois de l'argent juste pour faire ouvrir une mosquée, ou bien pour faire publier des livres, ou bien pour faire une activité de da'wah, on veut faire un séminaire, on a besoin de l'argent pour faire venir un cheikh ou apprendre l'islam ou des choses comme ça. Yani, subhanallah, déjà ça c'est pour nous c'est très très difficile de trouver l'argent et de ramasser de l'argent parce que yani, beaucoup d'entre les frères, c'est des frères qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui travaillent dur, qui ont peu de revenus. Mais chez les gens de bid'a, chez les hizbiyin, et même on a honte de demander, on n'ose même pas demander, hein, pour pas embarrasser les gens, puis en même temps pour pas s'embarrasser soi-même aussi, hein, parce que c'est pas quelque chose de bien de demander à quoi que ce soit à quiconque, hein. Mais eux, ces gens-là, ces hizbiyin ou c'est les soufis ou peu importe, ils n'ont aucune gêne de demander et aucun scrupule. Si tu les vois comment maintenant ils demandent des millions de dollars maintenant. C'est pas des avant c'était des milliers de dollars. Ils disaient, on a besoin de 1000 dollars, 100 000 dollars, 10 000 dollars, 20 000 dollars. Maintenant c'est des millions qu'ils demandent dans les mosquées. Ouais, c'est ça. C'est comme le cheikh, il te donne une permission pour dire, ok, toi tu es exempté de prière, tu es exempté de ci, tu es exempté de ça. L'important, tu nous ramènes le cash, hein, tu nous ramènes l'argent. Ils leur écrivent des sortes de, comme on appelle des tamaim, ou des talismans ou des choses comme ça, ouais. C'est ça ce qu'ils font dans tous les pays, les soufis. Ils écrivent des talismans, des fois, et c'est même pas des choses qui sont islamiques, c'est des choses contraires à l'islam. Et ils vendent ça, ils le demandent de l'argent en échange. Non. Et les marabouts en Afrique de l'Ouest, ils font ça aussi. Hein, c'est toujours la même chose. Hein, non. Exactement. L'Amstein. Ouais, c'est parce que en fait, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, les testavina sabil al-mujrimin. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a clarifié dans le Coran la vérité, il nous a clarifié également la fausseté, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui est vrai, puis qu'on le suive, puis qu'on puisse savoir ce qui est faux, puis qu'on s'en écarte. Mais les gens, parfois, ils connaissent, par exemple, des choses de l'islam, mais ils ne savent pas ce qui s'y oppose. Donc, ils suivent des choses, et ils voient des choses qu'ils font dans leur pays, ou dans leur coutume, ils ne savent pas que c'est contraire à la religion, également. C'est ça. Mais il y a des jours, comme Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, il a expliqué ça justement. Il a dit, lorsque vous allez en Afrique ou lorsque vous allez dans d'autres pays, vous allez commencer à appeler les gens au tawhid. Hein, commencez par leur enseigner le tawhid, l'explication de l'islam, de la sunna. Et après, vous allez voir, les gens vont avoir une base. Ils vont être capables de comprendre. Là après, si vous allez leur mentionner n'importe quoi qui est contraire à la sunna par la suite, ils vont dire, ah oui, maintenant on comprend. Et là, ils vont s'écarter des bid'as, s'écarter des égarements. Mais s'ils n'ont pas une base en commençant, puis qu'ils entendent ça, ils ne vont pas comprendre. Et donc, ils vont devenir comme sur la défensive, ils vont vouloir s'attacher à la fausseté et leur égarement. Donc, il faut utiliser l'enseignement et l'éducation. Il y en a qui ont une petite connaissance générale, une fitra. Il y en a des fois, c'est la fitra aussi. Ils ont compris que c'est clair pour eux, légalement. Ils voient quelque chose. Ils disent, non, ça, c'est pas, ça rentre pas dans ma tête. C'est pas clair. Mais il y en a d'autres, par contre, ils peuvent être confus ou mélangés. Et puis souvent, c'est ceux qui suivent l'égarement, c'est parce qu'il y a un intérêt pour eux là-dedans. Quand ils trouvent un intérêt dans l'égarement, ils aiment la suivre. De l'égarer. Exactement. Ouais. Ben c'est ça qu'il dit le cheikh ici. Après, vous allez voir comment il l'explique par rapport à ça aussi. Il dit, Naam, donc une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les messagers, ils ont clarifié la vérité aux hommes, ils ont appelé les hommes à suivre cette vérité, la preuve a été établie contre eux, et donc celui qui a répondu à l'appel des messagers, alors il fait partie réellement de ceux qui les ont suivis. Et ils sont parmi les rapprochés d'Allah. Et celui qui se détourne de la da'wa, de l'appel des messagers, alors il s'est placé lui-même dans un grand danger. Il s'est placé lui-même dans un grand danger et sous une grande menace. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala s'applique sur lui. La parole dans le verset 124 dans sourate Taha, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Et celui qui se détourne de mon rappel, il aura une vie misérable. Et nous le ramènerons au jour de la résurrection aveugle. » Au jour de la résurrection, Allah va le faire ressusciter aveugle. Et dans le verset 36 et 37 dans sourate Az-Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie celui qui se détourne du rappel d'Allah, le rappel d'Ar-Rahman, c'est-à-dire Allah, on lui donne un shaitan, on lui place un shaitan avec lui qui va le suivre partout, qui va être son compagnon. Sourate Az-Zukhruf. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اي نعم. 36 37 36 37. Donc on lui donne un celui qui se détourne du rappel d'Allah, on lui assigne un shaytan, il devient son compagnon. Hein? Et il leur obstrue le chemin, et alors qu'eux pensent qu'ils sont bien guidés. Ils pensent qu'ils sont bien guidés alors qu'ils sont en train d'être dans l'égarement avec le shaytan, Allah musta'an. Et le shaykh il dit, وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ أَوَّلَهُمْ نُوحٌ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ. La preuve que le premier messager c'est Nuh alayhi salam, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset dans Surat An-Nisa, le verset 163, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il cite ce verset, nous t'avons révélé à toi comme nous avons révélé à Nuh et aux prophètes qui sont venus après lui. Donc le Cheikh il dit, wal adillatu alqa'imatu ala anna awwal ar-rusul Nuh alayhi salam fi al-kitab was-sunnah من ومنها قول الله تبارك وتعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى آخر الآيات من سورة النساء وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة الطاغوت. Donc le cheikh il dit que la preuve est établie que le premier des messagers, c'est Nuh alayhi salam, dans le Coran et dans la Sunna. Parmi les versets, il y a le verset 163 dans Surat An-Nisa qu'on a mentionné. Hein? Le verset 163 et les versets qui suivent dans Surat An-Nisa. Et ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit, et chaque nation, Allah, dans chaque nation, Allah a fait susciter un messager. Depuis Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad alayhi salam, et il leur ordonne d'adorer Allah seul et leur interdit d'adorer le tagout. Hein? Donc là le cheikh il va expliquer qu'est-ce que c'est le tagout. Donc il dit wa ma min ummatin min umamil ard illa wa khala fiha nadhir كما قال الله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير والله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين لا يعذب أمة من الأمم حتى يقيم عليهم أو حتى يقيم عليها الحجة الرسالية كما في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Donc le cheikh il dit que il n'y a pas une nation sur la terre excepté qu'ils ont reçu un avertisseur. Et Allah dit dans le Coran, dans le verset 24 dans Surat Fatir, il n'y a pas une nation excepté qu'il y a eu pour elle un avertisseur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus sage des sages, le plus miséricordieux des miséricordieux. Il ne va pas châtier une nation parmi les nations jusqu'à ce qu'il ait établi sur celle-ci la preuve envoyée par le message, la preuve du message. Et ça s'est prouvé par le verset 15 dans Surat Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous n'allons pas châtier, hein, nous n'allons pas châtier jusqu'à ce qu'on ait envoyé un messager. C'est-à-dire, on ne va pas châtier un peuple jusqu'à ce qu'on ait envoyé pour eux un messager. Il dit wa ma kana min fatarat bayna rasul wa rasul tatul muddatuha aw taqsur illa wa yab'ath Allah tabaarak wa ta'ala min atba' ar-rusul wa ahli at-ta'assi bihim fi ad-da'wati wat-tabliigh lir-risala للرسالة أفراد من الناس فإن لم تصل إلى بعض الناس دعوة الرسل من رسول يعني أو نبي من رسول أو نبي أو من يدعو بدعوة الرسل والأنبياء فهذا يعتبر من أهل الفترة وأهل الفترة ومن في حكمهم لهم يوم القيامة معاملة جاءت بها النصوص من أنهم يمتحنون في عرصات القيامة فالمطيع في الجنة والعاصي في النار. Donc le cheikh explique que les périodes entre les messagers, d'un messager à l'autre, il y a des périodes entre les deux. Il y en a des périodes parfois que c'est plus long et il y en a d'autres périodes que c'est plus court. Entre deux messagers, des fois c'est plus long, des fois c'est plus court. Hein? Mais peu importe que ce soit une période longue ou courte, Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il y a des fidèles de ces messagers qui se basent sur l'exemple de ces messagers et de leur da'wah, qui transmettent le message de ces messagers-là. Hein? Comme par exemple, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est les sahaba qui ont propagé l'islam. Puis ensuite, de chaque génération après l'autre, il y a des gens qui apprennent cette religion et qui la transmettent aux autres, et qui la propagent, et qui l'enseignent. Ça c'est qu'est-ce qu'on appelle ad-da'wa, d'appeler et d'inviter les gens, hein, à Allah et à la religion d'Allah. Donc, il dit, il y a toujours des individus parmi les hommes qui travaillent à cette tâche de yani faire la da'wa et d'inviter. Il dit, et s'il y a des individus ou des gens à qui le message n'est pas parvenu, c'est-à-dire le message des messagers, d'un messager à l'autre, ou d'un messager à un prophète, ou d'un messager à, yani, par la suite, ceux qui ont suivi les messagers, les prophètes, et qui ont appelé par la da'wah des prophètes, qui ont invité les hommes à les suivre. Donc, dans cette période-là, il y a une personne qui n'a pas été atteinte par l'un de ces exemples-là, c'est-à-dire qu'il n'a pas reçu le message du prophète ou du messager, ou de ceux qui ont suivi ce messager-là après eux, ok, eh bien, ceux-là font partie de ce qu'on appelle Ahlul Fatra. Ahlul Fatra. Et Ahlul Fatra, ce sont ceux qui, c'est-à-dire eux, aucun message ne les a atteints. Aucun message des messagers ne les a atteints, ni de la part du prophète lui-même, ou ni de la part d'un messager, et ni de la part de ceux qui ont transmis le message de ces messagers-là. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle Ahlul Fatra. Est-ce que ça existe ? Oui, ça existe. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler d'un prophète ou des livres ou des prophètes ou des messagers d'Allah. Jamais. Parce qu'ils vivent dans des endroits éloignés et isolés. Ils ne vivent pas dans les grandes villes ou dans les grands centres ou dans les endroits où les gens sont réunis. Non. Eux, ils habitent dans des endroits très difficiles d'accès, des endroits éloignés de la ville et de la civilisation, et ils vivent en petits groupes, en tribus ou en petits groupes, et ils sont coupés de toute communication avec le reste du monde. Il y en a des gens comme ça, hein? Et le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ces gens-là qu'on appelle Ahlul Fatra, et ceux qui sont dans la même situation qu'eux d'une façon quelconque, eh bien, ceux-là, au jour de la résurrection, ils seront traités d'une façon particulière. Ceux-là, au jour de la résurrection, ils seront traités d'une façon particulière, ils seront jugés d'une façon spéciale. Ils vont être testés par Allah. Il y a des textes de la révélation qui mentionnent et qui prouvent que ces gens-là vont être testés au jour de la résurrection. Ceux parmi eux qui vont obéir entreront au paradis, et ceux qui vont désobéir seront jetés en enfer. Eux, ils auront un test, une épreuve au jour de la résurrection, et selon la réponse qu'ils auront à ce test, ils vont être soit au paradis ou soit en enfer. Le cheikh, il ramène des exemples de hadith à ce sujet-là. Il dit ومنها ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث الأسود بن سريع. اي نعم والاسود بن سريع يعني الصحابي صحابي نزل البصرة ومات في أيام الجمل نعم وقيل سنة 42 donc il y en a qui disent qu'il est mort c'est un sahabi qui était allé habiter à Basra et il est mort durant la période qu'on appelle Al-Jamal la bataille de Al-Jamal et c'est-à-dire en l'an 42 après la Hijra le cheikh il dit donc que il dit منها روى الإمام أحمد وغيره من حديث الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يحتجون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع ورجل هرم ورجل أحمق ورجل مات في الفترة أما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئا وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاءنا الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر وأما الهرم أو الهرم الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وأنا ما أعقل وأما الذي في الفترة فيقول ربي ما أتاني رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما ولهذا الحديث طرق وشواهد يكون بها من قسم المقبول كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين اوكي بون جو في اسي تراديو سو حديث الشيخ explique que donc que ça a été rapporté selon l'imam Ahmad que Sari' ibn al-Aswad a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a quatre personnes qui auront un argument au jour de la résurrection. Un homme qui a été sourd, il n'entendait pas. Un homme qui était sénile, mais qui était tellement vieux qu'il ne pouvait plus sénile S-E accent aigu N-I-L-E. Il était tellement vieux que il a perdu la raison. Oui, c'est ça. Un homme Ahmad, c'est quelqu'un qui est fou ou qui est pas intelligent. Il y en a qui a pas d'intelligence. Il est retardé. Il y a pas de compréhension. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui est on peut l'utiliser comme fou ou comme idiot ou bien on peut l'utiliser aussi comme peut-être par rapport à quelqu'un qui comme à notre époque on dirait plutôt quelqu'un qui est déficient intellectuel. OK. نعم. Et rajulun mata fil fatra, un homme qui est mort durant la période entre deux messagers. Ou bien qui n'a pas reçu le message du messager. Donc, le sourd va dire, « Oh mon Seigneur, l'islam m'est venu alors que j'étais sourd. » Ça, il y a certaines époques où il n'y avait pas vraiment on n'avait pas vraiment peut-être développé le langage des sourds. Et même encore aujourd'hui, pour le connaître, il faut l'apprendre. Hein. C'est pas tout le monde qui peut l'apprendre. Parfois, c'est pas si facile que ça. وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاءنا الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر. Okay. Donc ça dit quoi? يحذفونني بالبعر. Oh là là. رجع ذوات الخف وذوات الظلف. إلا البقر الأهلي. يعني أعوذ بالله. C'est-à-dire l'islam est venu alors que les enfants me lançaient des si je comprends des albars, ce serait les restants de, les trucs les excréments des animaux. Al-ra'it, c'est ça les excréments des animaux, les crottes d'animaux. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, ok. Al-Bar, c'est ça. Donc il dit, l'islam m'est venu alors que les enfants me jetaient des crottes d'animaux. Donc ça veut dire, c'est une personne, comme on dit, déficiente. Hein? Et l'autre, elle a dit, l'autre qui fait partie des gens de l'Al-Fatra, elle a dit, « Ô mon Seigneur, aucun messager ne m'est venu. Ô mon Seigneur, aucun messager ne m'est venu. » Alors, Allah subhanahu wa ta'ala va prendre d'eux une entente, un engagement à ce moment-là. Et l'engagement, c'est qu'ils vont obéir. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala va leur envoyer un messager. Et ce messager-là va leur dire, entrez dans le feu. Et il dit, par celui qui tient mon âme en sa main, s'il rentre dans ce feu va être frais. Et sans leur faire, va rien leur faire de mal. Hein? Va être bardan wa salam. C'est-à-dire que c'est un feu qui va être frais et qui va être paisible pour eux. Ils ne vont pas sentir se faire brûler dans ce feu-là. Donc c'est pour dire que ça, ce sera leur épreuve au jour de la résurrection. Ceux qui font partie de Ahlul Fatra. Ok? C'est-à-dire, eux, ils n'ont jamais reçu le message d'un messager ou entendu parler de l'islam. Et le cheikh, il dit, وَلِهَذَا الْحَدِيثُ تُرُقُ. Donc, ce hadith-là, il a plusieurs narrations, plusieurs versions qui se supportent l'une l'autre. Et donc, ça arrive au degré de maqboul, c'est-à-dire qui est acceptable. Et ça a été mentionné par l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans son livre Tariq al-Hijratain wa Bab al-Sa'adatain. Tariq al-Hijratain wa Bab al-Sa'adatain. Ça c'est Ibn al-Qayyim a mentionné les détails à ce sujet-là là-dedans. Il dit wa kullu rasulin min ar-rusul wa kullu nabiyyin min al-anbiya yabda'u da'watahu wa yunadi qawmahu ila tawhidillah وترك الشرك والبراءة منه والبراءة منه ومن أهله. ولهذا تجد في الآيات القرآنية التي قص الله فيها دعوة الرسل والأنبياء أن كل واحد منهم يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهو أمر بعبادة الله وحده ونهي Donc le cheikh il dit que donc tous les messagers que Allah a envoyés et tous les prophètes que Allah a envoyés, quand il a commencé à appeler les hommes et à faire la da'wa, il a débuté par l'appel au tawhid. Il a débuté par le fait d'appeler son peuple à l'unicité d'Allah et à unifier Allah, et c'est-à-dire de croire en le tawhid d'Allah, et à abandonner le shirk et à se désavouer des gens qui commettent le shirk. Et c'est pour cette raison-là que tu trouves dans les versets du Coran dans lesquels Allah a mentionné l'histoire des différents messagers et prophètes, que chacun d'entre eux, lorsqu'il venait à son peuple, il disait, ô mon peuple, adorez Allah seul, vous n'avez en dehors de lui aucune autre divinité. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre que lui qui mérite d'être adoré, hein? Donc adorez lui seul. Tous les messagers qui arrivent à leur peuple, ils commencent par ça. Ils disent ça en premier. Et ça, c'est l'ordre d'adorer Allah seul et l'interdiction de commettre le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis au prochain cours, inshallah, on continuera un peu plus dans l'explication de qu'est-ce que c'est le tarout. Ça, c'est au prochain cours. T'es arrivé un peu tard, hein, Faisal, aujourd'hui. Non. Anakallah. Donc, c'est ça. Inch'Allah.